Le secret du prêtre par Raoul de Naverie, lu par Armen pour audiocité.net. Chapitre 1er. Les chevaliers de la casquette noire. Il existe dans le cœur de Paris, proche des quais, voisine du fleuve, au soleil, au centre d'un quartier aéré, placé enfin dans les conditions les plus satisfaisantes, une rue, ou plutôt une ruelle étroite, dont le milieu est occupé par un ruisseau fangeux et que de hautes murailles noires empêchent de recevoir la lumière indispensable pour l'éclairer. La rue Gilles-Cœur, une des plus anciennes du vieux Paris disparu à force d'embellissement, du percement de larges artères, est restée telle que le Moyen-Âge l'avait faite. Un peu plus, et l'on tendrait le soir à chacune de ses extrémités les chaînes de fer qui, avec le guet, permettaient aux braves gens de Paris de dormir en paix sans avoir à craindre les escarpes. Presque à la moitié de cette rue se trouvait, il y a quelques années, une boutique de sordide aspect, remplie d'objets de rebut, de ferrailles rouillées, de faïences rattachées de laiton, d'habits semblables à des loques, de rideaux tombants en poussière, de passementeries de laine montrant la corde, de casseroles, de bassins de cuivre rendus dangereux par le défaut d'étamage, et d'instruments de toutes les professions que peut ostensiblement exercer un travailleur. Nous disons ostensiblement car, dans les coins obscurs de cette boutique, soigneusement cachés sous des montagnes de vieux chiffons, il était possible de découvrir des amas de clés de toutes les formes, des ciseaux finement trempés, des limes d'une perfection exquise, des pinces, chefs-d'œuvre du genre, et toute une collection d'outils inavouables et souvent inavoués dans une autre langue que celle de l'argot. Le père Mathusalem, qui devait ce surnom à son âge indéfinissable, était de mémoire de toute une génération d'hommes déjà vieux quand il devint propriétaire de la boutique et de ses dépendances. Ces dernières, commençant par une cour sombre, étroite comme un couloir et triste comme une porte de prison, aboutissaient à un bâtiment pour la construction duquel Mathusalem avait employé les éléments les plus hétérogènes. Le bois et le mortier y entraient pour une bonne part. Les portes et les fenêtres, provenant de démolition, manquaient de proportion et même d'équilibre. Plus d'une vitre était remplacée par du papier huilé. Les gonds grinçaient, les espagnolettes ne jouaient plus, le vieux poêle fumait, et cependant on pouvait lire sur une planche noire, peinte de lettres blanches, et placée au-dessus de l'entrée de la salle, « Pension bourgeoise ». Ces mots écrits dans un tel lieu faisaient rêver. Quelle cuisine pouvait-on perpétrer dans le sous-sol de cette pièce bizarre? Quels pouvaient être les clients du propriétaire de cette table d'hôte? Au milieu de la grande chambre, une table de bois de sapin, tachée par le vin et les sauces grasses, coupée et hachée par le couteau des abonnés, était couverte, au moment où nous pénétrons chez Mathusalem, d'assiettes écornées, flanquées de cuillères de bois et de fourchettes de fer. Les couteaux manquaient, chacun ayant l'habitude d'apporter le sien. Des gobelets d'étain se trouvaient devant les assiettes. De serviettes, il n'était pas question. Sans doute les clients de cette pension bourgeoise les remplaçaient par les manches de leurs vêtements. Des bancs servaient de sièges. Une seule chaise existait dans la salle à manger. Elle indiquait la place réservée à Mathusalem. Une spirale noire garnie de marches branlantes conduisait aux profondeurs de la cave transformée en cuisine. Sur un long fourneau et dans des casseroles vastes comme des chaudières, bouillaient sur un feu ardent des choses bizarrement amalgamées et destinées à fournir régulièrement aux habitués l'olla podrida, formant invariablement le plat du jour. On trouvait de tout dans cette casserole, du lapin et des os de gigot, des résidus de bœuf, des queues de hareng sort et des queues de mouton, des débris de têtes de veau, des betteraves, des paquets de poireaux et des pâtes de homard, un gros morceau de graisse rousse et bon nombre de gousses d'ail devaient répandre sur le tout l'homogénéité d'une même saveur. Sur la table en bois de chêne, quelques poulets fins prêts à mettre à la broche, des grillades de veau, des beefsteaks, prouvaient que le menu de l'établissement pouvait s'élever jusqu'à la recherche. À côté de la lourde salade de pommes de terre, la fine chicorée, les feuilles rubanées de la barbe de capucin, les touffes de mâche attiraient le regard. Et non loin du fromage livide, dont l'odeur sui generis trahissait la qualité médiocre, une corbeille de fruits superbe attendait les amateurs disposés à faire une grosse dépense. Le sous-sol communiquait à un caveau où la barrique d'eau colorée par le bois de Campêche et rendue brûlante par une addition d'esprit de vin faisait bon voisinage avec des bouteilles de belle mine couvertes d'une poussière de bon aloi et dont les bouchons cachetés ne pouvaient être une enseigne menteuse. Au milieu des fourneaux, des billots et des tables, s'agitait une créature bizarre que l'on eût dit choisie exprès pour ce sinistre milieu. C'était une femme, haute de 3 pieds à peine et paraissant âgée de plus de 50 ans. Sa grosse tête bouffie avait une expression sombre, traversée de temps à autre par un éclair de méchanceté froide. Ses cheveux gris, trop abondants pour rester enserrés sous le mouchoir à carreaux rouges qui tentait de les envelopper, s'amechaient sur son dos. De larges oreilles très écartées de la tête faisaient tinter une paire de pendeloques ayant dû appartenir à quelques paysannes normandes et descendant jusque sur ses épaules. Le buste de cette créature étrange présentait les proportions habituelles à la taille d'une femme, mais les jambes manquaient d'une façon presque absolue. On eût dit un torse terminé par 2 pieds longs, larges et plats. Cette naine, horriblement difforme, était vêtue d'une veste de hussard à brandebourg, d'une jupe bleu fané et de chaussures tirées d'une paire de bottes dont un coup de ciseau avait abattu les tiges. Comment Mathusalem et la naine s'étaient-ils rencontrés? Comment ces deux êtres, semblables par leurs vices, vivaient-ils ensemble depuis 10 années à peu près? Personne ne l'aurait pu dire. Si Mathusalem était la tête de la maison, la naine, cette ignoble servante, en était le bras. Et l'influence de la misérable créature était grande sur le sinistre brocanteur. La naine était le factotum de Mathusalem. Elle allait au hall faire chaque matin sa tournée, puis elle se rendait dans les restaurants infimes, acheter à vil prix les restes à demi gâtés. Une boîte de fer blanc recevait à la fois le poisson, la viande et les légumes. Un pot de grès s'emplissait de marcs de café, de feuilles de thé ayant subi une première infusion, de croûtes de pain destinées à préparer les gratins et à faire de la chapelure neuve. La naine, une fois ses provisions faites, songeait à la catégorie distinguée de la pension bourgeoise. Elle prévoyait les extras, combinait dans son horrible cervelle les imprévus et les encas, se souvenait des commandes et rentrait chez elle, flanquée de 2 paniers dont le fond touchait presque le pavé. Elle préparait alors Lola Podrida, dont le nom lui rappelait l'Espagne, car cette immonde créature avait vu la Puerta del Sol et l'Escorial. Elle avait vu les combats de taureaux à Madrid et regardé danser au son des castagnettes les filles des guérillas de la montagne. Ses abonnés appelaient son Lola Podrida un arlequin. Elle haussait alors les épaules et souriait avec un souverain mépris. Puis, si Mathusalem s'absentait pour les affaires de son commerce, Elle gardait la boutique et servait les clients. Il en venait de deux sortes, ceux qui avaient besoin d'outils, ceux qui voulaient louer une défroque complète pour une semaine, quelquefois pour une journée, et ceux qui souhaitaient retenir une place ou prendre quelques cachets à la pension bourgeoise. Le cachet coûtait 10 sous. À ce prix, on avait du pain à discrétion, le plat du jour, un carafon de vin et une tasse de café. Les dîners à la carte rentraient dans les conditions des restaurants de second ordre. Un repas convenable coûtait facilement de 5 à 6 francs. Du reste, la naine était douée de qualités de flair merveilleuses. Au premier regard jeté sur un client, elle devinait de quoi il pouvait avoir besoin et le lui présentait avec empressement, lui évitant de la sorte des demandes embarrassées. Si méprisable que fût cette femme, elle n'eût pas détourné un centime à l'usurier receleur qui s'appelait Mathusalem, et elle avait coutume de dire « Il faut être honnête dans son genre !» Une pendule enrouée dont le coucou ne daignait plus sortir quand sonnait l'heure grinça sur ses roues. La naine compta 6 coups et, saisissant une cuillère à peau de dimensions inusitées, elle la plongea dans la marmite et trempa la soupe des commensaux de la maison. Puis, prenant à deux mains les oreilles de la soupière de terre brune, elle commença à gravir l'escalier en colimaçon avec plus d'agilité qu'on en pouvait soupçonner de cet être difforme. Tandis qu'elle entrait dans la salle, la porte donnant sur la cour s'ouvrit, et une douzaine d'hommes, vêtus des costumes les plus divers et ayant Mathusalem à leur tête, pénétrèrent dans la vaste pièce. Chacun prit sa place soigneusement indiquée par un carré de cuivre, sur lequel se détachait un chiffre enlevé à l'emporte-pièce, et Mathusalem commença à servir. « Eh bien, les enfants, » demanda-t-il avec une sorte d'entrain, « les affaires marchent-elles? Avez-vous quelque chose à vendre ou des échanges à opérer? Qu'est-ce qui veut les vieilles ferrailles du verre cassé et des peaux de lapin ?»« Moi, » dit un homme à la mine féroce, « j'ai 6 couverts d'argent envoyés par la Providence. C'est bon, le couvert, et ça se vend encore 23 centimes le gramme, quand il y a des filets, mais c'est compromettant. Souvent les gens qui les oublient sur des tas d'ordures osent les réclamer au commissaire, et pas de ça. Ce qui est dans la profonde n'en doit sortir que pour remplir le gousset. Si c'est votre obligeance d'en faire des lingots, père Mathusalem, ne vous gênez pas, les couverts sont à votre disposition. Avec plaisir, camarade, avec plaisir. « Faut vous presser de le fondre, vous qui en avez, et de le vendre surtout. En trouve-t-on des mines de cet argent dans l'Amérique du Sud? On enfonce une pioche dans la terre, crac, on découvre un filon. Aussi le métal baisse sur le marché de Paris. »« Bah, fira de cave, il y a un tarif pour l'argent. Si vous ne le payez pas le prix qu'il vaut, je sais bien où le porter. On n'en fait pas à croire un vieux renard comme moi. » « Eh que oui, il y a un tarif. Mais va donc, mon brave, porter un lingot à la monnaie, et tu verras quel prix on t'en offre. Bel établissement, du reste, faut pas calomnier son voisinage. Mais méticuleux, chercheur, farfouilleur, on ne peut y porter une once d'or sans qu'il faille prouver dans quelle place on l'a trouvé. Combien payez-vous dans l'argent maintenant, père Mathusalem ?» continuera le cave. 75 centimes le gramme, et j'y perds. C'est pour garder ma clientèle. » Radecave secoua la tête d'un air peu convaincu. « Et toi, pomme d'api ?» reprit le brocanteur en s'adressant à un garçon qui semblait avoir 14 ans à peine et dont les traits fatigués, le teint pâle, trahissaient des vices précoces. « As-tu ouvert beaucoup de portières de fiacre hier soir et trouvé beaucoup de bouts de cigares ce matin ?» Avec l'hiver, les Parisiens sont revenus. Il y a du monde sur le boulevard et tes affaires doivent prospérer. Je crois bien, fit Pomme d'Api avec orgueil, une belle première allée que les drames de la misère. La queue a commencé à 3 heures. On se pressait, on se foulait. Personne ne sentait ses poches, quoi. On pouvait faire des voyages d'exploration. Mais le plus joli, ça a été à la sortie. On s'étouffait. Tout le monde voulait des voitures à la fois. J'avais 10 de mes hommes prêts à obéir à mes ordres. Quand l'un d'eux m'avertissait que ma calèche était prête, je courais ouvrir la portière, j'aidais la dame à monter, je m'occupais du gros monsieur et presque toujours il me restait dans les mains un éventail, un mouchoir de dentelle, même un bijou. La mère Fanfiche a joliment gagné sur moi, mais c'est égal, je ne me plains pas. J'aime les premières, moi, autant pour le moins que les gens du monde. De sorte que la mère Fanfiche a tout le profit de la vente et qu'il ne reste rien pour ton vieux père Mathusalem. Je vous ai gardé mes acquisitions. Que veux-tu donc ? Un habillement complet, en beau velours anglais, du pantalon à la casquette. Tu as donc des intentions, gamin ? Voudrais-tu, toi aussi, aller faire le gommeux devant les cafés des boulevards ? Je veux me produire au bal du Vauxhall, et faut du chic dans l'établissement. On n'y passe pas en contrebande de blouses blanches, c'est le quartier de la douane. Dis donc, pomme d'api, fit Radecave d'un air gouailleur. « Sois galant et emmène la naine, c'est une chouette compagne, et comme ça t'auras une danseuse sous la main. » Les yeux de la naine flamboyèrent, et elle répliqua aigrement à Radecave. « Apprenez que je n'ai que faire de sa compagnie, ni de celle de qui que ce soit. Si je l'avais voulu, je serais depuis longtemps la légitime femme d'un homme qui soulevait 4 poids de 100 kilos à bras tendus, et qui vous aurait tous assommé d'un coup de poing. » « Ce n'est pas quand on a refusé un pareil époux que l'on accepte des gringalets comme vous. » Les convives de Mathusalem éclatèrent de rire. « Et tu as refusé un mari de ce calibre-là » s'écria Pomme d'Api. « Par ma foi, c'est faire de la renchérie. Fallait donc que tu attendes le roi de Siam ou que tu aies le cœur pincé comme une guitare. Mes raisons ne te regardent pas, méchant môme, et je te prie de ne pas t'occuper de mes affaires. » « Alors, pourquoi nous fais-tu des confidences, la naine ? Tiens, la vérité, je vais te la dire. »« Assez !» fit la naine. « Assez ! Si tu te fâches, je révèle son nom. »« Ah, j'en sais plus long que tu ne crois sur le roman de ta vie, la naine, et je l'ai drôlement appris encore. » C'était un soir, pendant une foire au pain d'épices. Un saltimbanque venait de voir rentrer son pitre ivre-mort. Désespoir du directeur de la baraque. La recette serait perdue si le pitre n'était remplacé sur l'heure. Je vois des sous à gagner et je m'offre pour remplir l'office de queue rouge. Le saltimbanque me traita bien d'ambitieux, mais il me questionna sur mes aptitudes. Et apprenant que je savais recevoir un coup de pied et une gifle avec grâce, il m'engagea au cachet. Le temps de dégriser le maître d'emploi. Après le spectacle, comme on était enchanté du débutant et de la recette, on m'invita à souper. J'acceptai, et au dessert, le maître, il signor Gigolfo, me proposa d'entrer dans sa troupe. Je déclinai cet honneur et j'appris à Gigolfo que j'exerçais la lucrative industrie d'ouvreur de portières et de marchand de contremarques. Je parlais de la table d'hôte du père Mathusalem, de toi, la naine, et Gigolfo s'écria: « Au portrait que tu en fais, je jure que je l'ai connu. »« Bah, m'écriai-je avec incrédulité, c'est comme je te le dis. Et dans quelles circonstances ? Il y a longtemps déjà, une femme répondante à ce signalement s'engagea dans ma troupe. Elle avait avec elle un enfant de 3 ans, délicat, pâle, ayant les cheveux couleur de feu, et dont les vêtements annonçaient l'opulence. » On pouvait aisément désosser le môme. Quant à la naine, il lui suffisait de se montrer pour faire rire. Je l'engageai. Pendant toute la durée de son traité, nous parcourûmes l'Espagne, l'Italie, la France. Quand je lui offris de renouveler nos arrangements, elle me répondit que son intention était de faire faire à l'enfant des études suivies. Des études ! Une bonne blague ! Je lui en avais appris assez pour gagner sa vie sur toutes les places publiques de l'Europe. Mes observations furent inutiles. Elle emmena l'enfant et je ne la revis plus. Si elle est dans la peine, remets-lui mon adresse. Il y a toujours une place pour elle dans la troupe. Je promis à Gigolfo de te conduire à sa voiture, et 1000 bouts de cigares, la naine, je l'ai toujours oublié. Peut-être jamais le souvenir de cette aventure ne me serait-il revenu à la mémoire si tu n'avais rappelé tes voyages et l'athlète du Nord qui te fit l'honneur de te demander en mariage. » Une expression de rage et de douleur bouleversa le visage de la naine. Elle fut sur le point de lancer à la tête de Pomme d'Api la bouteille de grès qu'elle tenait à la main. Mais Mathusalem, comprenant le danger de cette scène, rappela la naine aux exigences du service et Pomme d'Api à la douceur. Le souper s'acheva gaiement. La naine alluma une lampe de pétrole exhalant une odeur âcre et chacun des habitués tirant de sa poche qui sa pipe, qui son cigare, la salle ne tarda pas à s'emplir de fumée. On parlait moins. La naine s'apprêtait à s'engouffrer dans les noires profondeurs de sa cuisine quand un jeune homme de 20 ans environ ouvrit la porte de la salle à manger. Il ôta rapidement son chapeau à claque, le plaça sous son bras d'un geste élégant, puis, tirant de sa poche une casquette molle en soie noire, il la mit crânement sur l'oreille et s'avança au milieu du groupe des fumeurs. « Hourra pour les chevaliers de la casquette noire » fit-il d'une voix vibrante. Ce fut un signal. Chacun des dîneurs se coiffa immédiatement d'une semblable casquette et, une fois muni de ce signe de ralliement, chacun des abonnés de Mathusalem s'abandonna à une confiance absolue, à une gaieté communicative. « As-tu dîné, fleur d'échafaud ?» demanda la naine au nouveau venu avec une expression de vive sympathie. « Non, » répondit celui-ci, « apporte-moi ce que tu voudras. » Pourvu que ce soit bon, et serre dans le cabinet à côté. Radecave me tiendra compagnie. Volontiers, répondit celui-ci. De quoi ? Fit Mathusalem. Des cacheteries avec le père des chevaliers de la casquette noire ? Vous apprendrez tout dans 2 jours, vieux. Mais pour l'instant, c'est un secret qui doit rester entre Radecave et moi. Alors je permets les conciliabules. Un quart d'heure après, la naine remontait, portant un beefsteak cuit à point, un plat de pommes de terre, une salade et du vin. Elle dressa le couvert dans la chambre voisine, et immédiatement Radecave et le nouveau venu s'y enfermèrent. Celui que l'on venait d'appeler du nom de Fleur d'échafaud était un garçon de taille bien prise, de figure distinguée, vêtu avec une grande recherche et dont le regard trahissait une vive intelligence. Son visage était d'un ovale régulier, de grands yeux bleus dont les veilles n'avaient pas encore terni l'éclat, rayonnaient sous des sourcils finement arqués. Si sa bouche avait les lèvres trop minces, leur sourire gardait une certaine grâce. Ses cheveux, d'une nuance ardente, faisaient valoir la délicatesse de son teint. Tout en lui trahissait le jeune homme accoutumé à une vie facile, élégante même, et que toutes ses habitudes semblaient devoir éloigner du milieu dans lequel on l'accueillait si affectueusement. « Eh, petit, je flaire quelque chose !» dit le vieux voleur en s'adressant au jeune homme. « Eh, vous ne vous trompez pas, suppôt du diable ! Il s'agit d'une affaire superbe ! Ça ira dans les bénéfices de... 100 000 francs à partager. Et le danger, peu de choses. Alors raconte, petit, la chose en vaut la peine. » La naine, appuyée dans un angle du cabinet, prêtait une oreille aussi attentive à toutes les paroles de Fleur d'échafaud que Radecave, son futur complice. « Voici, reprit Fleur d'échafaud, mon patron, monsieur Antonin Pomereul, a reçu l'autre jour la visite d'André Niçois, le banquier, son meilleur ami. Le hasard ayant voulu que je rencontrasse monsieur Niçois dans l'antichambre, la tristesse de son visage me frappa. J'en conclus qu'elle cachait un secret, et lorsqu'il fut introduit, j'écoutais religieusement son entretien avec mon maître. Les affaires des autres deviennent aussi facilement nos propres affaires. J'appris alors, à ma grande surprise, que le banquier niçois, ayant fait d'imprudents achats à la bourse, courait le risque de se trouver à découvert et venait emprunter 100 000 francs au fabricant millionnaire. Il faut que je rende justice à monsieur Pomereul. C'est la loyauté, la bonté même. Moi, son secrétaire, il me traite avec autant de bienveillance que ses enfants. Je ne fus donc point surpris de l'entendre promettre, quand ils se séparèrent, les 100 000 francs à son ami, et je résolus de tirer parti de cette circonstance. Depuis 3 ans que j'habite la maison, j'ai eu le temps de prendre les empreintes des serrures et de faire confectionner les clés les plus importantes. Monsieur Pomerol a touché l'argent aujourd'hui, à 2 heures. Cette nuit, les 100 000 francs dormiront tranquillement dans sa caisse. C'est de là qu'il s'agit de les déloger. Mais il te manque sans nul doute la clé de cette caisse, fit Radecave, devenu songeur. Si je l'avais eue une seule heure dans mes mains, j'en posséderais une semblable, comme bien tu penses. Mais le patron ne la quitte jamais un seul instant. Le jour, soit, mais la nuit. La nuit, il la place sous son chevet. C'est donc là qu'il faut la prendre. C'est là. Dangereux, mon jeune ami. Extrêmement dangereux, ce jeu-là. Les portes à ouvrir, les coffres à forcer, ça me connaît. Mais fourrer mes doigts sous un traversin me semble toujours plus difficile. Si Pomerol s'éveillait. Eh bien, fit froidement Fleur d'Échafaud, on le rendormirait, ce n'est pas plus malin que ça. Je n'aime pas ce moyen-là, c'est un jeu trop gros pour une partie douteuse. Refuses-tu? Je ne dis pas, mais 50 000 francs. Cela me tente, cependant. Bah, me ferais-tu croire, vieux singe, qu'il faut apprendre à faire la grimace, que tu n'as jamais été embarrassé, surpris, et que dans une heure de convoitise folle ou de terreur, dans la crainte d'être pincé, tu n'as jamais joué du couteau? Jamais, non, jamais, répondit Radecave. Je suis voleur, voleur à 3 poils, voleur fini. Je connais tous les genres de vol et au besoin j'en inventerai. Je fais disparaître une voiture et son cheval avec la même facilité qu'une paire de chaussons de lisière. Aucun bénéfice ne me semble à dédaigner. Quand je ne trouve pas une sébile de changeur remplie de pièces d'or, je me contente d'une boîte de cirage chez l'épicier. Je préfère le vol simple au vol qualifié. Il rapporte souvent autant, sans être aussi dangereux. Ce qui constitue le filou premier numéro, c'est l'habileté à risquer la centrale, sans courir la chance de faire un voyage d'agrément à la nouvelle. Je croyais avoir inculqué ces principes. Je les suis le plus souvent possible, mais cette fois, je trouve la tentation si forte que je n'hésite pas. Crois-tu, vieux rat de cave, que ce soit la peine d'avoir fondé la plus merveilleuse association de l'époque pour grignoter si maigre profit? Je vis bien, soit, mais je n'ai pas de voiture. Ce luxe-là te trahirait. Oh, je serais malin. Une fois un gros capital dans les mains, je file à Monaco, je risque quelques milliers de francs sur la table de la roulette. Que je gagne ou que je perde, cela importe peu. Je suis passé joueur et connu comme tel, cela suffit. J'apprends à mes amis que j'ai gagné, je les traite au café anglais, j'ai soin d'inviter quelques journalistes, et le lendemain, 3 feuilles matinales racontent que j'ai ébranlé le crédit de la banque de Monaco. À partir de ce moment, je puis impunément avoir des chevaux et un appartement de haut goût. Personne ne s'inquiétera de savoir où je prends de l'argent pour les payer. Vous avouez vous-même que j'ai le cerveau fertile en invention, la main preste. Laissez-vous donc aller à la confiance et promettez-moi votre aide pour ce soir. Le fabricant se couche donc de bonne heure? De très bonne heure. Ses domestiques? Ses domestiques montent au 5e étage où se trouve leur chambre dès que M. Pomerol leur a déclaré n'avoir plus besoin de leur service. Et ses enfants? Mademoiselle Sabine se retire chez elle à 9 heures. Il est rare que l'aîné, le prêtre, mange à la table de son père. Quant au cadet Xavier, c'est un viveur qui ne rentre qu'au petit jour en sortant du club où il joue toute la nuit. Ainsi nous serions seuls? Complètement. L'unique danger à courir est de trouver M. Pomerol encore debout ou de le déranger dans son sommeil. En ce cas, poltron, je m'en charge, dit Fleur d'Échafaud avec un sourire horrible et qui dénatura complètement l'expression ordinairement agréable de son visage. Radecave se releva. « Compte sur moi, » dit-il. « Il faut tout prévoir, » ajouta Fleur d'Échafaud. « Nous sortirons en costume bourgeois. Nous prendrons un fiacre qui nous laissera à l'angle de la rue de la chaussée d'Antin. Le pardessus que nous tiendrons plié sur notre bras dissimulera une blouse que nous passerons s'il est besoin de nous travestir. En entrant, nous demandons le fils aîné de Monsieur Pomerol. Il demeure plus haut que son père. Le coup fait, nous descendons paisiblement. Le concierge pense que nous avons causé avec le fils. Nous reprenons la voiture qui nous mène finir notre soirée à un théâtre quelconque. Et le lendemain, Jean Machu redevient marchand des quatre saisons, tandis que Fleur d'Échafaud, ou plutôt Marc Mauduit, entre comme à l'ordinaire chez M. Pomerol pour y remplir ses fonctions de fidèle secrétaire. « Je me risque, » dira de Cave. « À ce soir, 11 heures précises, passage Choiseul, où nous prendrons la voiture. » Les deux coquins se levèrent, mais si rapprochés qu'ils fussent par la complicité de leur crime, ce fut pourtant avec le sentiment d'un profond dégoût que Fleur d'Échafaud plaça sa main dans celle de Jean Machu, dit Rat de Cave. Au moment où tous deux sortaient du cabinet, la naine murmura en regardant le jeune homme « Il ira loin, bien loin !» La rentrée de Rat de Cave et de Fleur d'Échafaud fut saluée par une acclamation. « Merci, vous autres !» dit Fleur d'Échafaud. « Quel sang-froid, quelle audace, quel génie !» fit Rat de Cave en montrant le jeune homme à Mathusalem. « Si nous avions beaucoup de copains comme celui-là, notre fortune serait vite faite. »« Et quelle galbe !» ajouta Fleur d'Échafaud avec un geste intraduisible d'insolence et de fatuité. Puis, se tournant vers le groupe compact des chevaliers de la casquette noire, « Sans adieu, il faut que Marc Mauduit, secrétaire du millionnaire M. Pomerol, se montre ce soir sur le boulevard. » Et, ouvrant la porte de la cour, Fleur d'Échafaud fourra sa casquette dans la poche intérieure de son paletot, remit son chapeau à haute forme, prit à la main une paire de gants neufs, alluma une fine cigarette et gagna les quais d'un pas alerte.